apprécié autant. Je veux te centrer sur toi, centrer sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. Je changement que cela apporte dans nos vies. Seigneur, ce matin, nous nous présentons devant ton trône. Nous nous humilions devant toi, car sans toi, nous ne sommes rien. Envoie ta parole, Seigneur, pour guérir, pour délivrer, pour nous sauver. Seigneur, ce matin, nous nous présentons, Seigneur, comme des enfants qui ont soif de toi. Seigneur, change et transforme nos vies par ta parole, afin que nous puissions être des hommes et des femmes selon ton cœur. Merci Seigneur pour ces moments. Merci pour ta parole au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Vous êtes les bienvenus. Amen. J'espère que la pluie ne vous a pas trop taper dessus. Hallelujah. Great. Amen. Nous sommes toujours en train de parler de la prière. Amen. J'espère que la prière fait vraiment partie de votre vie. Amen. Hallelujah. Prince, are you okay? There's a chair, Terry. Okay. Hallelujah. Okay. Une chaise pour une paire. Ok? Il y a beaucoup de place. Pas la peine de vous serrer. Is it ok? J'ai dit quelque chose de mauvais. Une paire de chaussures, une paire de chaussettes, vous ne savez pas. All right. Nous parlons toujours de la prière. Amen. Hallelujah. Et je crois que ces enseignements sont en train de nous transformer. Si vous n'êtes pas encore transformé ou vous n'avez pas encore compris l'importance de la prière, il y a un problème. Ou vous n'écoutez pas ce qu'on dit, ou vous êtes au mauvais endroit. Amen. Parce que la prière, on a vu que la prière, c'est un aspect très important de la vie d'un chrétien. Amen. La semaine passée, on a vu la vie de Daniel, combien il trouvait la prière importante. Il n'a pas laissé sa position déranger ou interrompre son habitude de prier. Amen. Quand il était premier ministre, il priait. Quand il était en danger aussi, il priait. Alléluia. Donc, si on ne retient rien de ces messages, au moins le fait que la prière est importante et primordiale, nous ne devons pas oublier. Amen. Alléluia. Donc nous allons continuer. Amen. Si vous n'étiez pas là pendant le premier culte, je crois que vous pouvez prendre le message quelque part parce que je veux terminer aujourd'hui ce message. Ok, donc on va continuer. Amen. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Colombe. Pourquoi tu es malade? Ok. On dirait que tu es sérieuse ce matin. Alléluia. Amen. All right. Numéro 8. Principe numéro 8. Il est important pour nous de prier pendant longtemps. Amen. When I say amen, I expect you to say amen, Muriel. Hallelujah. It's working. When I say amen, I expect you to say amen. It shows that you are still awake. Do you understand? Ne dis pas amen juste pour me faire plaisir. Lui, il dit amen quand j'ai rien dit. Alléluia. Amen. Yeah. Il est important pour nous d'apprendre à prier pendant longtemps. Nous sommes trop habitués à prier pendant 15 minutes, 30 minutes et se contenter de ça. Il n'y a rien de mauvais si tu pries 30 minutes. C'est mieux que de ne pas prier du tout. Ok? Il ne faut pas dire, moi je ne peux pas faire les 3 heures donc je ne prie pas. Non, ça c'est un mauvais comportement. Amen. C'est pas bon. Hein, regarde ce que tu fais. Parce que tu ne peux pas prier 3 heures, tu dis que tu ne vas plus prier. C'est pas bon. Pas bon. Ok, Maïva? C'est pas bon. Alléluia. Donc, il est important pour nous de prier pendant longtemps. Au moins 1 heure. Ok? On a vu ça, n'est-ce pas? On a même regardé notre journée, 24 heures, que Dieu nous a donné tous les jours. On a vu que c'est pas trop demandé de vous demander de prier 1 heure. Au minimum. Au minimum. Alléluia. Are you laughing at my French? Oh. Un jour, tu vas prêcher en anglais. Les gens vont rire. Alléluia. Il est important de prier pendant longtemps. Parce que parfois, toi-même, tu sais que tu n'as pas fini. Tu sais que tu n'as pas terminé. Tu sais que tu n'as pas achevé ce que tu voulais accomplir. Tu sais que tu es resté au milieu de la prière. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Are you sure? Amen. Donc il faut apprendre à prier pendant longtemps. Amen. Pour satisfaire à tous vos besoins. Amen. Quand Jésus avait dit aux disciples, quoi donc, vous ne pouviez pas prier, veiller pendant une heure? Il était surpris. Il était surpris que les gens à leur niveau, les hommes qui ont marché avec lui, qui ont mangé avec lui, qui l'ont vu exercer, qui l'ont vu prier, qui l'ont vu faire des miracles, n'ont pas pu rester éveillés dans la prière pendant une heure. Il a dit, oh, donc tout ce temps que vous marchez avec moi, même une heure, vous ne pouvez pas faire. Je ne sais pas combien de temps vous servez Dieu. Je ne sais pas pendant combien de temps vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. Mais si vous avez fait au moins un an, il faut quand même être capable de prier. Et quand je parle de prier, c'est pas dans la prière organisée, seule. Pendant une heure. Sans qu'on vous trouve en train de dormir, somnoler. Au moins une heure. C'est pas trop demandé. JP, c'est pas trop demandé. C'est vraiment pas trop demandé. Alléluia. Instrumentiste, j'espère que vous priez une heure avant de monter l'estrade pour jouer. J'espère. Praise and worship. J'espère. Faut pas dire que oh, c'est dimanche, on va prier à l'église. Donc, yeah. C'est important pour que vous-même, vous soyez spirituel. Amen. Choriste, it's important. Avant d'apprendre les chants, il faut prier que ça reste dans votre esprit. Les lézards. Hein, on dirait que c'est serré ici. Is it? Deux paires? Ou une paire? Hey, what happened? One of you should go forward, something. Une paire par chaise. Une paire et demie. Alléluia. Amen. Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi? Vous ne pouvez pas prier une heure seule? Why? Qu'est-ce qui nous empêche? Pourquoi les gens commencent? Pas vous, les gens, quand ils commencent, ils s'arrêtent. Pourquoi? Quelles sont les raisons qu'ils ont données? Ils sont fatigués. Donc, quand ils commencent, c'est la fatigue qui prend le dessus. OK? Ils ne savent plus quoi dire. On a vu ça. On a regardé les formules, n'est-ce pas? Quelles sont les formules? Marie-Joëlle, est-ce que tu te rappelles? Est-ce que tu te souviens, tu te rappelles les formules de prière qu'on a données? Yes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté. Et le micro est dans sa bouche. Marie-Joëlle, est-ce que tu sais quereller? Tu as déjà querellé avec quelqu'un? Oui. C'est avec cette voix que tu querelles. Donne-moi la voix de querelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit. Non, ça c'est pas mieux. Quereller. Quand tu es fâché avec quelqu'un, donne-moi la voix de colère. Tché. Les formules de prière, on a vu ça. Donc vous ne pouvez pas dire que vous ne savez plus quoi dire. N'est-ce pas? Tu te rappelles, jeune homme? Parce que tu ne me regardes pas, je vois que tu as oublié. Vous non plus, hein? Vous n'étiez pas là. Hey, qui se rappelle ici, dans ce quartier ici? Elpi, nobody, oh, toi seul. Who remembers à part toi? Tu n'étais pas, tu étais là. Tu te souviens? Tu peux me donner? Et notre Père qui est aux cieux. Et on va prier pour notre Père quotidien. On va prier pour nos pardons, pour nous pardonner nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On va prier. L'autre là, j'ai oublié. Donc tu as compris. Si on fait au moins 10 minutes par sujet, c'est déjà plus de 6 sujets. 6 sujets de prière. Donc c'est déjà 1 heure. 6 fois 10. Ah non, il lit la Bible. He's not sleeping, he's reading his Bible on his telephone. Amen. Donc on a déjà vu les sujets. Vous ne pouvez pas dire, pourquoi est-ce que les gens ne prient pas pendant une heure? On a vu ça, la paresse. Ils ne savent pas quoi dire. Maintenant on sait. Donc vous n'avez plus d'excuses, mon ami. Amen. Hey. All right. Donc, il est important pour nous de prier. Si vous êtes habitué maintenant à prier une heure, il faut continuer. Il ne faut pas s'arrêter. Continuez une heure et demie. 2 heures. 2h30. 3 heures. Pourquoi pas? Ça veut simplement dire que vous, peut-être vous réduisez le nombre d'heures que vous dormez. Au lieu de faire 8 heures, vous faites 7 heures. Au lieu de faire 7 heures, vous faites 6 heures de sommeil. Vous êtes jeune. Donc vous avez l'énergie. Pourquoi vous dormez 8 heures? C'est trop. C'est trop. Lara, 8 heures, c'est trop. Ok? Vous pouvez dormir 6 heures et vous serez en bonne santé. Parce que quand vous dormez 8 heures, 9 heures, est-ce que vous voyez que vous ne dormez pas dans la journée? Vous somnolez, vous êtes fatigué. 6 heures de sommeil, 3 heures de prière. Fantastic combination. Amen. What other formula do you remember? Devons faire des prières de supplication. Comment? Des prières de supplication. De supplication, ok. Des actions de grâce. Ok. Et... Ça va durer encore 20 minutes. 2 sujets, 20 minutes. Pérez Chapel. Sujet de prière. On parlait de la tentation parce que, enfin, il y a des domaines où nous connaissons que nous sommes faibles. Donc, nous devons prier pour que Dieu nous éloigne de cette tentation. Ok. Ça, c'est une heure de prière. Parce que vous savez que vous êtes tenté, beaucoup tenté. Que ça soit à l'église, oh, que ça soit à l'école, oh, la tentation vous suit. Vrai ou pas vrai? Quelles sont les tentations qui vous suivent? Jeff, tu ne danses plus. Tu es à l'école. Tu ne répètes plus. Tu es trop occupé. Tu es fatigué. Alléluia. Amen. Sujet de prière. Nous devons prier pour la volonté de Dieu dans notre vie. Excellent prayer. Amen. Donc nous devons prier et prier pendant longtemps. C'est une bonne idée, n'est-ce pas? Eh, c'est une bonne idée, n'est-ce pas? Frère, c'est une bonne idée. Si, ok, d'accord. Merci, c'est gentil. Hallelujah. All right, next one. Avant de avoir des problèmes. Il est important pour nous d'apprendre à prier seul dans notre chambre. Amen. Là où personne ne nous voit. Il est aussi important de prier en groupe. tout a sa place. Toute forme de prière a sa place. Mais Dieu regarde, je dirais que Dieu regarde plutôt la prière que tu fais seule avec lui. Je pense que c'est la raison pour laquelle Jésus s'éloignait toujours pour prier. Il aurait pu prier avec les disciples. Même quand il est parti au jardin avec les trois, il s'est éloigné encore. Donc il est important pour nous d'apprendre à prier seul. Il y a une place pour la prière dans une chambre à part. Je l'ai dit, pasteur, moi je suis dans une chambre, nous sommes six. Mais la vérité, c'est que vous ne vous réveillez pas tous en même temps. Si vous êtes six et tout le monde commence à se réveiller à 5 heures, réveille-toi à 3 heures. Ou bien tu pries avant de dormir. À minuit, quand tout le monde est endormi, tu pries. Tu vas au salon, tu pries. Les gens vont dire, mais pourquoi tu dors toujours aux heures bizarres? Ils ne savent pas que c'est parce que tu pries lorsque eux, ils sont endormis. On dit que les sorciers s'envolent souvent vers 2 heures du matin. 2 heures. C'est ça, non? 2 heures. Between 12 and 2, midi, 3 heures. Et c'est là où les chrétiens sont dans le troisième vitesse de sommeil, où le ronflement est le plus fort, qui domine la chambre. Entre midi et 3 heures, quand les sorciers sont en train de voler au-dessus de le toit de ta maison, tu dors, tu ronfles. Au lieu de te réveiller pour prier, quand personne ne te voit, quand personne ne te voit. Beaucoup d'entre nous, nous ne voulons pas être dans des ministères de intercession et prière et autres, parce que c'est pas visible. Pas visible. Les gens ne nous voient pas. Mais la chorale, c'est pourquoi la chorale est toujours dans toute église, pas seulement ici. Et la chorale est l'endroit où tout le monde veut aller. C'est vrai ou pas vrai? Dans toute église, la chorale est toujours le ministère le plus large. Et la plupart des choristes ne peuvent pas chanter. Il se trouve. La plupart des choristes ne peuvent pas chanter. Voilà pourquoi il y a toujours les mêmes visages qui font le solo. Vrai ou pas vrai? Moi, je sais que je ne chante pas. Je sais. Moi, je sais. Je n'ai jamais dit que je chante. Mais la plupart de nous, on veut toujours être à la chorale. Pourquoi? Moi, je dis que c'est parce que c'est visible. Tu peux être fâché contre moi, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que c'est visible. Les gens peuvent voir que, la structure a sorti. Les beaux fleurs, les beaux gilets, noir et blanc stylé. Waouh! C'est bon, il ne faut pas partir de praise and worship. Hein? Il ne faut pas quitter la chorale. Mais ça serait important pour vous aussi de prier dans votre chambre avant de venir. Quand vous priez avant de venir, on va vous remarquer. On ne va pas vous remarquer parce que votre structure est bizarre, ou votre habillement est bizarre, ou votre jupe est trop courte, ou parce que votre danse est trop sexy. Ce n'est pas la raison pour laquelle on va te remarquer. Parce que certaines personnes, on les remarque pour des mauvaises raisons. Yes. Are you annoyed with me? Lady Pastor, I think your chorus is... Les plus importants de venir sans fleurs qui a sorti parce que tu n'as pas, et d'être venu avec une heure de prière derrière toi. Do you understand what I'm saying? I don't know if the French is working, but I'm saying what I'm saying. Yeah. important de prier dans votre chambre avant de venir. Amen. Là où Dieu te voit. Si tu viens, tu ne connais pas les chants et je te gronde, mais tu as prié une heure et Dieu a vu, je pense que ça serait mieux pour toi. Mais de venir, tu connais toutes les paroles, moi je te loue, et Dieu, tu n'as pas prié, même pas cinq minutes. Ah bon? Ah bon? Do you understand? La prière dans la chambre où personne ne voit. Allez, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Amen. Où personne, il n'y a pas de preuve. Do you understand? Oui, tu dis que j'ai prié. Personne ne sait si c'est vrai ou pas. C'est ça. Parce que c'est Dieu qui voit. Et c'est lui. C'est lui qui est important. Amen. Yeah. Think about it. De venir, tu ne connais pas les paroles. Parce que tu n'as pas eu le temps de répéter. Parce que tu priais. C'est mieux. Mais si tu ne connais pas les paroles parce que tu suivais les films nigériens, alors là, il y a un problème, Ruth. Amen. La chambre où personne ne te voit. Personne. Amen. Souvent, quand je suis en train de me réveiller, c'est là où mon mari vient dormir. Parce qu'il était dans la chambre. Do you understand? That's when I'm waking up. C'est mieux que les gens disent que tu as des heures bizarres de dormir. That's no problem. Tant que je ne te dérange pas, où est ton problème? Amen. Il est important pour nous de prier. Alléluia. Pour que ta prière soit efficace. Amen. Si tu veux connaître quelqu'un en vue de proposer le mariage, c'est pas lorsque vous êtes toujours en groupe. Il faut parfois être seul à seul. Et quand je dis seul à seul, pas dans une chambre noire, cachée quelque part. That's what I'm saying. Vous pouvez être parmi nous tous, mais vous êtes seulement... Do you understand? Il peut y avoir beaucoup de personnes, mais tu n'as que les yeux pour une seule personne. Tu n'as les yeux que pour... How do you say? Tu n'as Dieu pour une seule personne. Tu n'as Dieu. Oui, je sais que Dieu... Mais où est le tu n'as Dieu que... Un que, ne que, only. L'apostrophe, and so what? Tu n'as Dieu, apostrophe. Hallelujah. Il y a une différence entre prier en groupe et prier seul. C'est ce qu'il faut comprendre. Amen. Le genre de prière où personne ne peut confirmer. Ça doit être la prière la plus satisfaisante. Amen. Parce que c'est Dieu qui a vu. Alléluia. Amen. Mais la vérité, c'est que lorsque nous prions, nous voulons que quelqu'un nous voit. Nous voulons que quelqu'un nous voit. Quand tu arrives, tu espères que quelqu'un est éveillé. Tu étais où? J'étais en train de prier. Oh, j'étais en train de prier depuis 2 heures. Hein? Au moins dans la journée, il faut dire à quelqu'un que tu as prié au moins. Il faut que ça entre quelque part dans la conversation. Pour qu'on sente que tu es powerful. Alléluia. Amen. Tout le monde doit développer la capacité de prier au moins 4 fois par journée. 4 fois, like de 9h et de midi et de, mais 4, how do I say, 4, types de prières dans la journée. Quatre moments de prière. Maybe that's what I should say. Quatre moments de prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Let's go. Number one. Quatre moments de prière dans la journée. Numéro un, prier le matin. C'est un moment où nous devons passer dans la prière. Deuxième moment, l'après-midi. Troisième moment, le soir. Quatrième moment, à tout moment. Amen. Alléluia. La Bible dit que Jésus, Marc 1, 35. Marc 1, 35. Vers le matin. Vers le matin. C'était pas encore. Vers. À l'aube. Vers le matin. Pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Il sortit. Pourquoi? Parce que les disciples étaient avec lui. Toi, tu dis, oh, je ne suis pas seul dans la salle. Il faut sortir. Hé, ne dis pas, c'est la nuit comme ça, là. Il faut sortir. Il faut sortir pour prier. Amen. Pourquoi est-ce qu'il est important de prier le matin? Pourquoi c'est important? Tu dis, ok, mais je peux prier la nuit avant de dormir. Non, oui, tu peux prier. Mais c'est aussi important, pourquoi? Parce que Jésus a prié le matin. Il priait le matin. Donc, c'est important. Et lorsque tu pries le matin, tu es en train de dire, Dieu, je veux que tu sois impliqué dans ma journée. Je veux que tu fasses partie des choses qui vont m'arriver aujourd'hui. Contrôle ma journée, s'il te plaît. Amen. Quand tu te lèves le matin pour prier, tu es en train de te dire, Seigneur, avant que je quitte cette maison, pour aller à l'école, au travail, pour faire quoi que ce soit, manger le petit, je veux que tu sois déjà présent dans ma vie. Que tu participes. Est-ce que vous êtes là? Important. It's important for you to pray in the morning. Tôt le matin. Avant que les choses commencent à chercher votre attention. Avant que le téléphone commence à sonner. Ton ami en Australie se lève. Parce que pour lui, c'est l'après-midi. Certains d'entre vous, vous devez même fermer le portable. Est-ce que vous vous connaissez? Amen. Seigneur, sois impliqué dans ma journée. Seigneur, aide-moi à prendre les bonnes décisions aujourd'hui. Aide-moi, Seigneur, à bien choisir ce que je dois faire. Aide-moi, Seigneur, à bien contrôler ma journée ce matin. Avant que je quitte la maison, même le trottoir que je vais prendre. Seigneur, sois impliqué. Amen. Et l'après-midi, pourquoi? Pourquoi c'est important de prier l'après-midi? Amen. La prière dans l'après-midi, ce n'est pas à midi, midi pile, je vais prier. Mais dans la journée, au milieu de toutes les activités que tu peux avoir, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je vais m'éloigner de tout le monde. Je vais m'éloigner de toutes les circonstances, tout ce qui m'entoure, tout ce qui cherche mon attention, parce que j'ai besoin de toi pour bien être focalisé dans la journée. Parfois, tu es tellement perturbé dans la journée que tu te demandes, ma prière de ce matin, est-ce que ça n'a pas marché? J'ai pourtant prié ce matin, pourquoi les choses me troublent comme ça? Tu as besoin juste de te séparer un moment. Puis dis, Seigneur, tout va bien, mais j'ai encore besoin de toi. Ou bien juste avant une réunion, ou juste avant une interview, tu as prié le matin, mais tu peux prier encore. Au milieu des activités, tu t'éloignes pour prier. Amen. Marc 6, 46. La Bible dit, quand Jésus, il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Il était avec des gens. Et après avoir renvoyé la foule, il s'est éloigné. Encore. Parce qu'il avait prié le matin. Quand il s'est éloigné l'après-midi, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas prié le matin. Peut-être qu'il a donné, il a prêché, il était fatigué, il avait besoin de recharger, de se recharger. Parfois, tu peux prier, mais quand tu sors, tu es tellement contaminé par tout ce qui t'entoure. Le trottoir, le mètre, l'embouteillage, la chaleur, la faim. Tu as besoin de te recharger un peu les batteries. Parfois, quand je quitte le matin, après avoir prié, tout ça, everything is fine, avant de même arriver à déposer l'enfant à l'école, j'ai déjà querellé avec deux trottoirs, deux taxis. Quelqu'un m'a énervé dans l'embouteillage. J'ai besoin de me retirer quelques temps dans la journée juste pour me recharger. Quand tu charges ton téléphone la nuit, dans la journée, est-ce que tu ne cherches pas une prise? Dis, ah, ça décharge. Pourquoi? Parce que tu sais que si ça décharge, tu seras dans les problèmes. Parce que tu as besoin de ton téléphone. Juste au cas où le Western, on envoie le numéro. Tu as besoin que le téléphone soit toujours chargé. Ton esprit aussi, Ruth, doit être toujours chargé. Toujours chargé pour capter un message venant de Dieu. Capter un message. Tu as prié le matin, mais il y a beaucoup de choses qui sont venues te troubler. Quelqu'un t'a mal parlé. Tu as réagi. Oh Seigneur, où est la prise? Tu as prié, mais quelqu'un t'a énervé. Tu as parlé. Tu as dit, oh Seigneur, où est la prise? Où est la prise? Je crois que la batterie est en train de se décharger. J'ai besoin de connexion. Alléluia. J'ai besoin de réseau. Tu peux avoir le réseau, mais si la batterie est à plat, il n'y a pas de communication. Amen. Alléluia. C'est important de prier in the afternoon. Amen. Il est aussi important de prier le soir ou la nuit. Amen. Luc 6, 12. 6, 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Donc quand on parle de veiller de prière, ne soyez pas fâchés. Jésus pria toute la nuit. Seul. Seul. C'est un niveau. Veillez seul. C'est veiller et prier. Veiller et prier. Toute la nuit. C'est un moment aussi où tu peux prier. Tu peux regarder un film pendant 3 heures. 3 heures. Quand tu finis quelqu'un t'a envoyé une série. Série de 24 heures. Chrono. 24 heures chrono. Tu as la série. Série saison 4. Et celui qui t'a passé le DVD, il veut son DVD. Donc tu veilles la nuit. Tu regardes. What's the man's name again? Jack Bauer. La première fois que j'ai entendu parler de 24 heures chrono, quelqu'un m'a passé le DVD. C'était un paquet comme ça. Il y avait 4 DVD. Donc, on a regardé le premier. On a dit, waouh, c'est parfait, c'est bien. On a enlevé, on a mis le deuxième DVD. On a regardé, Et puis, on s'est remarqué, il y a quelque chose qui manque. On a raté quelque chose. C'est quand on a remis le premier DVD, on a vu qu'il y avait 4 films par DVD. On est reparti voir le cas. On n'a pas dormi. I'm telling you. On voulait savoir la suite, savoir la suite, savoir la suite. J'ai dit, hey, Satan, tu es mauvais. Il est mauvais. Tu peux regarder le film. la série. Tu peux veiller pour suivre un film, mais tu ne peux pas veiller pour prier. Un film qui dure 2h40 minutes, tu peux regarder. Obid, c'est un film. Nikita, tu as la série de Nikita. Scandale, revenge. Tu dois savoir, tu dois savoir. You have to see revenge. Hey! La fille là, elle est. Qui connaît revenge? La fille là, elle est dure. Quoi? Juste la haine qui pousse quelqu'un comme ça. Tu peux suivre revenge où tu n'auras pas de bonnes idées pour ta vie. Mais tu peux suivre Nikita qui tue les gens à gauche, à droite, à gauche, à droite. C'est ça, c'est ce que tu veux. Tu veux méditer sur. Dis, oh, mais elle est si petite. Comment elle fait pour tuer les hommes comme ça? Hey! C'est ça ton inspiration. Veillez et suivez le film. Yeah. You may watch. There must be a watch. Veillez et causez toute la nuit. On WhatsApp, hein? Marie-Joëlle, est-ce que les gens font WhatsApp juste toute la nuit? Les gens font ça. Wow. Amen. Veillez et priez. Donc, même la nuit, tu peux... Juste dire, Seigneur, ma journée a été terrible. Je ne peux pas dormir. J'ai besoin de t'écouter. Quand on te demande de suivre un preaching, tu dis, oh, preaching là. Tu ne peux pas suivre homecoming du début à la fin. Pas 2 heures quand même. Tu mets la prédication du matin. L'évêque prêche pendant 7 heures. Tu ne peux pas. Il dit, parce que j'ai essayé, mais quand ça arrive à 2 heures comme ça, là, je ne sais pas, mais tout d'un coup, je suis... Hein. Veillez et priez. Alléluia. Et le quatrième moment, 1 Thessaloniciens 5, 17 dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Amen. Donc, il y a un moment dans la journée où tu peux prier. Il y a tout moment. Tu peux prier à tout moment. Quand tu es dans le trottoir, tu peux prier. Quand tu es dans la classe, le prof est en train de parler, tu ne comprends rien. Il faut prier. Amina. Il faut prier. Amen. Tu es à l'église en train de me suivre. Priez. Parce qu'il y a beaucoup de distractions. Priez. Yeah. Puis la prière, ce n'est pas toujours Shabaya, Shabaya, Shabaya. Si tu fais Shabaya dans le trottoir, ils vont te amener directement à Asylum Down. Do you know Asylum? Pantang. Do you know Pantang? Shabaya, Shabaya, Shabaya. Dans le trottoir. Tu paies le maître, tu dis merci. Shabaya, Shabaya, Shabaya. Personne ne voudra s'asseoir à côté de toi. Priez sans cesse. Il y a une cette sorte de prière que tu peux faire à tout moment. Je vais demander à tout le monde de prier maintenant. Prier. Commencez à prier. Are you praying? Are you praying? Are you praying? I don't think so. Are you praying? Are you praying? Il y a une sorte de prière que tu peux faire à tout moment. Alléluia. Amen. Mais il y a une sorte de prière où tu dois crier. Tu dois pleurer. Tu dois te mettre devant Dieu à genoux. Amen. Toutes sortes de prières à tout moment. C'est important pour nous. Amen. Pour notre bien-être. Pour notre survie. Alléluia. C'est Jura quand elle chante Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, you didn't know. Who noticed? Alléluia. It's so nice. I like it. Alléluia. Amen. Priez sans cesse. Amen. Amen, amen, amen, amen, amen. Nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons être des gens qui prient. Pas des gens qui lisent seulement la parole sans prier. C'est bien de lire, parce que ça c'est la parole de Dieu. Mais ajoutez à la lecture la prière. Amen. Dieu ne, si vous ne comprenez pas ça, vous aurez des problèmes. Dieu ne peut pas agir dans ta vie si tu ne pries pas. La prière, c'est la clé. Où tu ouvres la porte, tu dis, Seigneur, entre. Tu peux avoir la clé, mais tu laisses ça dans la serrure. Sans ouvrir. Comment est-ce qu'il peut entrer? On ne va pas forcer la porte. Jack Power. Non. La Bible dit, je me tiens à la porte de ton corps. Je frappe. Je frappe. Si toi, tu ne viens pas ouvrir, je ne vais pas entrer. Je ne vais pas entrer. Le fait d'ouvrir la porte, c'est la prière. Seigneur, entre. Sois libre. Viens. Fais comme chez toi. Fais comme chez toi. Si tu dis à quelqu'un, fais comme chez toi, il entre dans toi, ta cuisine, il ouvre, il se sert. Tu ne peux pas te fâcher parce que tu m'as demandé de faire comme chez moi. Et chez moi, j'ouvre le frigidaire et puis je me sers comme je veux, quand je veux. Tu m'as demandé d'entrer. Fais comme... Mais si tu dis, oh, viens chez moi. Tu peux venir chez moi à tout moment. Je suis là. Tu fais comme chez toi. Mais il ne faut pas entrer dans ma chambre. Il ne faut pas aller dans la cuisine. Il ne faut pas utiliser la douche sans me demander. Il ne faut pas allumer la télé si je ne suis pas là. Mais fais comme chez toi. Oh. Mais, donc, je fais quoi? J'entre et puis je reste debout jusqu'à ce que tu reviennes. Pas fais comme chez moi, fais comme chez toi. Fais comme chez moi, pas chez toi. Ou bien tu vas chez quelqu'un et tu veux préparer, dis non, ça c'est ma cuisine, tu ne peux pas préparer. Tu, immédiatement, tu n'es pas, tu sais que tu n'es pas la bienvenue, n'est-ce pas? Et Dieu, il sent qu'il n'est pas la bienvenue chez vous, dans ton cœur. Il y a trop de restrictions. Viens, Dieu, viens, mais ne parle pas concernant ma relation avec Jack Bauer. Ne parle pas de ma relation avec Nikita. Je l'aime trop. La Nikita, là. La femme de mon cœur. Donc, tu peux venir me dire quoi que ce soit, mais quand il s'agit de Nikita... C'est pas comme chez toi, ça c'est chez moi. Amen. À tout moment, prier. À tout moment, prier pour déclencher ou libérer la main de Dieu. Permettre à ce que Dieu agisse dans ta vie. Mon frère, la prière est importante. Ma soeur, tu as besoin de la prière. Et si tu ne pries pas, ta vie va continuer comme elle est. Les problèmes ne vont pas partir. Tu n'auras pas la force de continuer. Amen. Tu n'auras pas la force. Pas de force. continuer. En Psaume 23, il dit, even though I walk in the valley of the shadow of death, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Tu es avec moi. Et la prière te fait ressentir la présence de Dieu. Tu vas passer par des vallées. Tu vas passer par des vallées. À coup sûr. C'est promis. C'est une promesse de Dieu. Tu veux les promesses de Dieu? Ça fait partie des promesses. Une vallée de l'ombre de la mort. S'il y a une ombre, ça veut dire que la vraie chose est là. Si tu vois mon ombre, ça veut dire que je ne suis pas loin. Mon ombre ne peut pas être à Jesus Cathedral, là où je suis. Donc, est-ce que je suis sorcière? Si tu vois mon ombre, je ne suis pas loin. Et si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire que la mort n'est pas loin. Mais je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que Dieu est avec moi. Et Dieu est avec moi parce que j'ai prié. J'ai prié. Parce que les vallées sont là. Tu vas passer par des vallées. Tu vas passer par des vallées. Tu vas entrer. Descends dans les vallées. By all means. By all means, tu peux être beau, tu peux être belle, tu peux être grand, tu peux être petit, tu peux être innocente, tu peux être moins innocente. Tout le monde va passer par des vallées. Yeah. There must be a valley. There must be a valley. Par laquelle tu dois passer. Mais lorsque tu passes, qui sera avec toi? Jack Bauer? Nikita? Qui sera avec toi? C'est là où tu auras besoin de Dieu. Amen. Donc priez. Priez. Seigneur, ne me laisse jamais. Ne m'abandonne pas. J'ai besoin de toi. Matin, midi, après-midi, soir, la nuit, j'ai besoin de toi. À tout moment. Amen. Et c'est ce que la prière peut faire pour toi. Mon frère, vous connaissez l'importance de la prière dans ta vie. Et tu seras étonné de comment ta vie va changer. Comment ta vie va dérouler. Comment ton avenir va être beau. Alléluia. Même dans la vallée, tu n'auras pas peur. Amen. On dit, ah, mais toi, est-ce que tu n'es... Il n'y a pas de problème. Tu n'as pas de problème. C'est quoi? Problème. J'en ai bébé. Mais je n'ai pas peur. Tu n'as pas peur. Tu es sûr? Oui. Que Dieu est avec moi. Et s'il a permis que je passe par cette vallée, je sais que à la sortie, parce qu'il y aura toujours une sortie, à la sortie, mon avenir sera meilleur. À la sortie de cette vallée, je verrai la gloire de Dieu dans ma vie. Amen. Alléluia. Mais vous n'allez rien voir si vous ne priez pas. Alléluia. Donc, frères et sœurs, soyons des hommes et des femmes de prière. Ce n'est pas seulement intercession. Ce n'est pas seulement un ministère de prière. Instrumentiste, guerrier de prière. Amen. Élie, priez. Priez. Gaston, priez. Alléluia. So that God will be free. Dieu sera libre d'agir. Alléluia. Soyons bénis. Levez-vous. We are blessed. Nous sommes vraiment bénis. Dieu nous aime vraiment. Dieu nous aime vraiment. Alléluia. Et il veut avoir une communication, une relation avec nous. Alléluia. Ouvrez votre bouche maintenant et remerciez Dieu. Remerciez Dieu, parce qu'aujourd'hui tu as compris l'importance de la prière. Tu as compris combien tu dois dépendre de la prière. Combien la prière doit faire partie de ta vie. Et c'est une prière que tu peux faire tout le moment, à tout moment. Le matin, tôt le matin, pour demander à Dieu d'être impliqué dans ta journée. L'après-midi, pour t'éloigner des soucis, des problèmes, des choses qui peuvent te distraire. Dans la soirée, la nuit, où c'est toi seul avec Dieu, pendant des heures, toi et Dieu. Dis, Seigneur, tu ne vas pas me quitter si tu n'as pas parlé, pendant des heures. Et tout moment dans la journée, tu peux lancer une prière, bref, court. Dis, Seigneur, aide-moi. Oh Seigneur, sois avec moi. Ce sont des prières que nous pouvons donner à tout moment. Oh Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes de prière. Fais de moi une femme de prière. Je veux prier pour ma famille, mon foyer, pour mon mari, pour mes enfants. Je veux prier pour l'avenir de mes enfants. Je veux être capable de prier pendant des heures pour ma famille, mes frères, mes sœurs, tout le monde dans ma famille qui ne te connaissent pas. Je veux être quelqu'un qui peut intercéder pour eux. Sans être fatigué, Seigneur, fais de moi une femme de prière qui peut intercéder pendant des heures. Oh Seigneur, merci pour le privilège d'être capable de venir devant toi, devant ton trône, sans empêchement, avec liberté, Seigneur, pour te demander de faire des choses, pour te demander d'agir dans ma vie. Oh Seigneur, quel privilège de prier. Oh Seigneur, merci. C'est un privilège, Seigneur, de te demander et tu me donnes. De faire des supplications et tu m'exauces. Seigneur, quel privilège. Toi qui es Dieu, tu es exalté, Seigneur. Toi, créateur de l'univers, je peux venir. Qui suis-je? Qui suis-je que tu m'écoutes même? Oh Seigneur, c'est un privilège d'avoir accès à toi. Seigneur, merci. Merci Seigneur de me faire comprendre l'importance de la prière. Je te bénis, je te remercie. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais prier pour vous ce matin. Si vous êtes venu à l'église, peut-être quelqu'un t'a invité. Peut-être tu as l'habitude de venir, mais tu sais que tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas de relation avec Dieu. Si tu meurs aujourd'hui, tu ne sais pas si tu iras au ciel ou à l'enfer. Peut-être quelqu'un t'a invité et après avoir écouté le message, tu sais que tu n'as pas de lien de communication avec Dieu. Aujourd'hui, tu veux inviter Dieu dans ton cœur. Tu veux lui ouvrir ton cœur. Tu veux dire, Dieu, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je suis pécheur. Et si tu ne me pardonnes pas, si je meurs aujourd'hui, j'irai en enfer. Je ne veux pas y aller. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, fais de moi ce que tu voudras. Je veux changer, je veux que ma vie change. Je veux marcher avec toi maintenant. Je veux te servir pour le reste de mes jours. Si tu es là comme ça, je veux prier pour toi. Fais-moi signe de la main. Juste lève la main comme ça, la main droite. Fais-moi signe, merci, je vois la main. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Tu veux prier ce matin. Tu veux l'inviter dans ton cœur. Tu veux ouvrir les liens de communication à partir d'aujourd'hui. Lève la main. Si tu as levé la main, je veux prier pour toi. Mon frère, derrière, ma soeur, viens devant. Viens. Viens vers moi. Viens. N'aie pas honte, n'aie pas peur. N'aie pas honte. Dieu veut te parler. Dieu veut communiquer avec toi. Dieu veut avoir une relation avec toi. Merci, merci. Libre en tout, Seigneur. Libre en tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Libre en tout. Venez. Seigneur. Entre tes mains. Entre tes mains. Soyez bénis. Oh, praise the Lord. Il y a encore quelqu'un qui vient. Alléluia. Nous allons prier. Je vais demander à ceux qui sont devant de faire de cette prière votre prière personnelle. Et je vais demander aussi à l'Assemblée de participer. Amen. C'est une prière simple, Et ça va ouvrir des portes. Ça va changer votre vie si vous priez par la foi. Répétez après moi, s'il vous plaît, avec les yeux fermés, tout le monde. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie de m'avoir parlé aujourd'hui. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que sans toi, je suis perdu. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon, Seigneur, pour les jours où j'ai quitté la maison sans prier. Ou les jours où je ne t'ai pas donné la place qu'il fallait. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Fais de moi une nouvelle créature. Change ma vie, Seigneur. Fais ce que tu voudras dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je veux te suivre. Je veux te servir. Seigneur Jésus, merci de m'accepter tel que je suis. Lave-moi et purifie-moi par ton sang précieux. À partir d'aujourd'hui, je veux être enfant de Dieu. Satan, écoute-moi très bien. À partir d'aujourd'hui, je ne t'appartiens plus. Je ne te suivrai plus. Je ne te servirai plus. À partir d'aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Je suis lavé par le sang. Jésus-Christ est mort pour moi et je reconnais qu'il est mon sauveur. Seigneur Jésus, merci. Entre dans mon cœur. Entre dans ma vie. Fais ce que tu voudras dans ma vie. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Je suis enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu pour le salut, pour le pardon et pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer très fort? Félicitations. Ne partez pas encore. Vous voyez, il y a une sœur ici. Là, si vous tournez le dos, elle aimerait vous parler pendant une minute seulement. Suivez-la. Elle va vous dire un mot. Après, vous allez gagner vos places. Merci beaucoup. Soyez bénis. Alléluia. Acclamez très fort. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît.